L'après-midi à l'écoute de la première Histoire vivante, c'est tout de suite et jusqu'à 14h. Jean Leclerc et Frédéric Pfeiffer vous proposent Histoire vivante. Le 7 janvier 2002 débutait sur les antennes de la première l'émission Histoire vivante. 16 années plus tard, et à l'heure d'été, nous vous invitons à vous replonger pour certains et à les découvrir pour d'autres ce que furent ces premières heures. Eh bien, les titres de l'actualité se rapportent évidemment à un seul événement, le drame de Munich. Oui, Munich, le stade olympique. Il était 10h ce matin. Histoire vivante. Berger David, Gottfried Joseph, Weinberger Moshe. C'était de véritables camarades. Ils sont morts dans la fleur de leur vie. Cette semaine, tragédie à Munich, les Jeux endeuillés. On lance des appels à la population et surtout aux automobilistes. On leur dit ne prenez pas d'autostoppeur, c'est dangereux. Il y a des hommes armés qui sont prêts à tout. Une semaine olympique sans précédent. Le 5 septembre 1972, au cours des Jeux olympiques de Munich, un commando palestinien entre dans le village olympique et prend en otage 11 sportifs israéliens. Nous avons vu ça toute cette semaine. La journée se termine donc dans un bain de sang avec la mort des athlètes israéliens exécutés par les Palestiniens, eux-mêmes tués par les tireurs d'élite de la police allemande. 30 ans plus tard, Arnaud Hamelin et Emmanuel François tournent un documentaire intitulé « La liste Golda ». Ce film parle de 13 assassinats perpétrés dans le monde entier par les services secrets israéliens au nom de la vengeance. Alors, je voudrais tout de suite poser une question à Emmanuel François, que nous avons au téléphone. Bonjour, tout d'abord. Bonjour. En démarrant ce sujet, vous saviez que vous n'alliez pas finalement traiter une affaire vieille de 30 ans, mais un sujet en pleine résonance. Effectivement, nous savions avec Arnaud Hamelin que ce sujet avait une résonance, puisque de toute façon les derniers assassinats ont eu lieu au début des années 90, et que cette politique qui a été la politique israélienne entre Munich et les accords de paix d'Oslo est une politique que l'on retrouve encore aujourd'hui face aux problèmes qu'ils peuvent connaître depuis quelques années avec différents mouvements terroristes qui sont le djihad islamique et le Hamas, c'est-à-dire que ces assassinats politiques ont repris et ont repris largement. Et depuis le début de la deuxième intifada, il y a plusieurs dizaines de Palestiniens qui ont été ciblés de cette manière-là. Nous, ce qui nous a intéressé, Arnaud Hamelin et moi-même, c'était de voir au lendemain de Munich quelles ont été les dispositions prises par les Israéliens et décidées par Golda Meir pour prévenir le terrorisme ou alors l'éradiquer, mais en tout cas pour trouver une réponse à ce terrorisme qui menaçait presque quotidiennement à l'époque l'État d'Israël. Extrait de Ma vie, Golda Meir. Nous avons appris à tenir bon contre le terrorisme, à protéger nos avions commerciaux et leurs passagers, à changer nos ambassades en petites forteresses, à faire garder les cours d'école et les rues de nos villes. J'ai marché derrière les cercueils et rendu visite aux familles en deuil des victimes du terrorisme arabe, et j'ai été rempli d'orgueil à la pensée d'appartenir à une nation capable de recevoir de tels coups, des coups lâches et diaboliques, sans crier « Grâce, nous en avons assez ». Accorder aux terroristes tout ce qu'ils veulent. Nous ne pouvons pas en supporter davantage. D'autres gouvernements ont cédé aux exigences des terroristes, ont mis des avions à leur disposition, les ont relâchés de prison, cependant que la presse étrangère et la nouvelle gauche les appelaient des guerrieros et des combattants de la liberté. Pour nous, ils sont restés des criminels, non des héros. Et chaque enterrement avait beau être un supplice pour moi, je persistais à ne pas me laisser impressionner par la gloire que ce peut être de cacher des mines dans les supermarchés, les cars ou les autobus, ni par les beautés d'une guerre sainte exigeant la mort de 7 vieux juifs dans une maison de retraite de Munich. Et j'ai eu littéralement le cœur soulevé en apprenant que les Arabes, qui avaient assassiné 11 de nos athlètes aux Jeux Olympiques de 1972, avaient retrouvé la liberté et, célébré par un grand tam-tam publicitaire, s'était envolé pour la Libye, 6 semaines à peine après leur crime. Nous retrouvons Emmanuel François, réalisateur de La Liste Golda. Dans le film, vous indiquez que, selon les mots de Golda Meir, ces crimes ne resteront pas impunis. C'est une déclaration officielle, ça, ou ce sont des mots qu'on lui prête ? Ce sont des mots qu'on lui prête, ce sont aussi des mots qui sont presque identiques, hein, qu'elle a eu quelques jours après à la Knesset. Nous avons le devoir absolu de combattre les organisations terroristes qui s'opposent à Israël. Le terrorisme change les règles du jeu. Nous devons nous préparer à cette guerre avec encore plus d'efficacité. C'est un extrait que l'on a réussi à récupérer d'enregistrement à la Knesset à l'époque, qui montre bien quelles sont les intentions de Golda Meir. Mais disons que s'il y a eu des propos qui ont été prêtés à Golda, il y a eu en 1993 la confirmation qu'une telle opération d'élimination de dirigeants palestiniens et de responsables de l'opération de Munich avait été décidée dans les toutes premières heures après l'événement. De quelle manière cette confirmation ? Alors cette confirmation a été faite par une personne qui s'appelle le général Aaron Yariv, qui à l'époque était le conseiller à la lutte antiterroriste de Golda Meir, et qui est quelqu'un dans une réunion, un cabinet restreint, en présence du chef du Mossad de l'époque qui s'appelle Zvi Zamir. Donc ces trois personnes avec Golda Meir ont pris la décision de punir Munich. Et c'est lui qui le confirme dans cette interview, donnée en 1993 à la fois des confrères de la BBC et un journaliste israélien qui s'appelle Yarin Kimor. Donc deux interviews télévisées ont été données à l'époque, en novembre 1993, et il a été vivement critiqué d'avoir pour la première fois officiellement confirmé qu'une telle opération avait été décidée. Car jusqu'à cette époque-là, jusqu'en 1993, jamais quelqu'un... un instigateur de cette opération n'avait confirmé officiellement la décision qui avait été prise à l'époque. Et d'aussi haut placé, en plus. Très haut placé. Et très haut placé. Aaron Yariv, conseiller à la lutte antiterroriste d'Israël. Mon conseil le plus réfléchi était qu'il fallait chercher les responsables de Septembre Noir. Chercher ? Oui, je veux dire éliminer les dirigeants de Septembre Noir, autant que possible, ou aussi nombreux que possible. Les tuer ? Pour être honnête, oui. Il y a deux archives dans le documentaire. Ce sont les interviews de Aaron Yariv et l'interview de Ehud Barak. Aaron Yariv, je n'ai pas pu l'avoir en interview, malheureusement. Il est décédé peu de temps après avoir donné ses interviews à mon confrère israélien et aux journalistes de la BBC. Quant à Ehud Barak, j'ai sollicité à nombreuses reprises une interview. Elle m'a toujours été refusée. Il faut rappeler qu'à l'époque, il était Premier ministre d'Israël. Oui. Que revenir sur ces événements n'était pas évident. Et donc, j'ai eu la chance de pouvoir retrouver une archive d'un documentaire qui avait été produit en 1991 par Claude Lanzmann sur Tzahal. Claude Lanzmann a eu la gentillesse de m'autoriser à monter un bout de cette interview. Voilà. D'accord. Sinon, les autres interlocuteurs montés dans le film, que ce soit Yitzhak Shamir ou Shimon Peres, donc deux anciens premiers ministres d'Israël, ont accepté de répondre ou tout au moins... Ou de ne pas répondre, mais d'autres personnes, que ce soit des Palestiniens, anciens terroristes ou alors des personnes du monde du renseignement, hein, que ce soit des Américains, des personnes du Mossad, oui, ou de différents services, ont accepté de répondre pour la plupart. Il faut bien savoir aussi que si j'ai eu la chance d'avoir tous ces témoignages, c'est que j'ai toujours avancé avec honnêteté à mes interlocuteurs quelles étaient mes intentions. Tous ont su que leurs homologues, leurs alter ego allaient être interviewés. Très bien. Donc c'était un moyen de faire en sorte qu'ils se répondent aujourd'hui. Minuit 40, quartier Montparnasse. Extrait de La Liste Golda. Le chef des services de sécurité de l'Organisation de libération de la Palestine est en France depuis quelques heures. retour d'un dîner entre amis. Ses déplacements sont surveillés de près. En sortant de la voiture qui le raccompagne, deux hommes en survêtement le plaquent sur le véhicule. Ils l'exécutent de 3 balles dans la tête. La scène se passe devant plusieurs témoins, au pied d'un grand hôtel. Les deux tueurs ne laissent aucune trace derrière eux. Atef Gzesso, 44 ans, proche du président Arafat, est le 8e palestinien exécuté depuis 20 ans sur le territoire français. On pense qu'il n'y a eu qu'un seul commando, c'est-à-dire qu'il y a eu un commando qui a eu carte blanche pour aller opérer pendant plusieurs années en Europe, et où au fait, où bon lui semblait, où bon il estimait pouvoir trouver des responsables de Munich ou alors des responsables palestiniens qu'il impliquait dans des actions terroristes. Et donc ce commando a eu un certain succès pendant plus d'un an, a réussi à, entre guillemets, éliminer, puisque c'était vraiment ce qui se passait, une dizaine de dirigeants palestiniens. Ce commando, qui laisse une trace de sang en Europe, s'est après rendu en Norvège. Objectif, assassiner Ali Hassan Salamé. Israël le soupçonne d'être le vrai cerveau de Munich. Localisé à Lillehammer, Salamé est une cible prioritaire. À tel point qu'aveuglement et empressement feront commettre au Mossad l'une de ses bavures les plus retentissantes. Shimon Peres. Bon, écoutez, je ne peux pas en discuter librement. Mais la guerre est une expérience terrible. Ce n'est pas une plaisanterie, et dans la guerre, vous faites quantité d'erreurs, des deux côtés. Je ne connais pas de guerre qui soit exempte d'erreurs. Et parfois, dans la guerre, les erreurs coûtent des vies humaines, ce qui est très regrettable. Et donc, vous essayez de corriger autant que vous le pouvez. Then you try to correct as much as you can. Emmanuel François, réalisateur de la liste Golda. Il y a eu entre 1972, au lendemain de Munich, et juillet 1973, 10 Palestiniens qui ont été assassinés. Norvège, 1973. Le Mossad prend Ahmed Bouchiki, paisible garçon de café d'origine marocaine installé en Norvège, pour Ali Hassan Salamé. Une équipe de 15 agents du Mossad se rend sur place pour épier ses faits et gestes, pour l'identifier de façon absolue. Le recoupement physique d'après photo ne fait aucun doute. Le Mossad tient Salamé. Zvi Zamir, le chef des services secrets lui-même, est venu d'Israël pour assister à l'opération qui doit couronner une année de succès total du service. Bouchiki tombe sous les yeux de sa femme. Le commando l'abat de 13 balles à bout portant. En repartant de Lillehammer, 6 d'entre eux seront arrêtés par la police norvégienne. Le front du silence se fissure. Dan Arbel craque pendant sa garde à vue et avoue appartenir aux services israéliens. Israël est alors obligé de reconnaître ce fiasco. Bouchiki a été tué par erreur. Une bavure si grossière que le mythe du Mossad en prend un coup sérieux. En 1973, en juillet, c'est donc la bavure de Lillehammer. Emmanuel François. Il y a eu un tel tollé derrière ça, puisqu'il y a eu un procès retentissant qui a débuté en janvier 1974, avec quand même pour la première fois à la barre des agents du Mossad qui étaient dans le box des inculpés. Donc c'était tout ça a posé énormément de problèmes, on peut l'imaginer. Et donc après l'arrestation de Lillehammer, les assassinats ont cessé. Les assassinats ont donc cessé même pendant près de 5 ans, puisque le premier à être assassiné de nouveau après Lillehammer est un proche de Yasser Arafat qui s'appelle Ali Hassan Salameh. On lui a imputé une responsabilité dans Munich qui aujourd'hui n'est toujours pas avérée, mais il était à l'époque le maillon entre l'OLP et la CIA. Il est probable que le fait qu'il y ait un maillon court comme ça entre les Américains et l'OLP a fortement déplu à l'époque à Israël. Histoire vivante, du lundi au vendredi, sur la première. Emmanuel François, vous avez donc réalisé la liste Golda, l'histoire en quelque sorte d'une série de 13 assassinats qui ont été perpétrés par les services secrets israéliens après les Jeux Olympiques de Munich. Assassinats qui ont été perpétrés pendant une vingtaine d'années dans le monde entier. Alors, le film s'appelle La Liste Golda. Cependant, côté israélien, deux anciens premiers ministres contestent encore l'existence d'une telle opération, l'existence d'une telle liste. Il est vrai que le premier de ces assassinats, c'est le responsable du Fatah en Italie qui a été assassiné 13 jours avant une nouvelle prise d'otage réalisée, elle, le 29 octobre, autrement dit 2 mois à peu près après Munich. Prise d'otage au cours de laquelle un nouveau commando palestinien fait une nouvelle prise d'otage et demande la libération des 3 Palestiniens de Septembre Noir qui sont encore en vie. Dès lors, on peut imaginer que, sans attendre en quelque sorte cette confirmation de l'attitude palestinienne, Israël, dès le lendemain de Munich, décide de mettre en route une vengeance des événements de Munich. Oui, la réaction d'Israël est assez rapide, mais je pense qu'il faut aussi, il fallait commencer ce film à une date. La date importante était celle du 5 septembre 1972, l'acte odieux commis à Munich, la mort d'athlètes israéliens était un point de départ, n'est pas un point de départ en fait dans une politique israélienne, mais est un point de départ pour ce que l'on pourrait appeler la vengeance. Il faut savoir que les actes terroristes palestiniens ont véritablement commencé au lendemain de la guerre des six jours pour essayer de faire connaître leur cause. Certains mouvements palestiniens ont versé dans le terrorisme. Alors ça a commencé d'abord par des événements qui étaient des détournements d'avions et qui, dans leur ensemble, en fait, n'étaient pas des événements sanglants, mais qui étaient des événements extrêmement médiatiques. Puis un groupe terroriste s'est monté en 1971 et s'est baptisé Septembre Noir. Septembre Noir en référence au Septembre Noir qu'avaient vécu les Palestiniens en 1970, lorsque le roi Hussein a chassé en fait les organisations palestiniennes de Amman, considérant que les organisations palestiniennes se servaient de la Jordanie comme base arrière pour attaquer Israël. Voilà. Donc il y a eu une éviction des organisations palestiniennes qui a été très sanglante, et depuis s'est monté en fait ce groupe qui porte le nom de cet événement. Donc les actes après terroristes et le harcèlement des organisations palestiniennes envers Israël étaient presque quotidiennes depuis la guerre des six jours. Rien n'avait été aussi marquant et aussi médiatiquement chargé que les événements de Munich. Et c'est pour ça que, alors que des assassinats ciblés avaient déjà été menés par Israël avant les événements de Munich, leur rythme a tout d'un coup pris... C'est accéléré. Oui, c'est accéléré. Donc, quelques assassinats ont eu lieu avant. J'en compte au moins 2 en juillet et en août 1972, mais là tout d'un coup on passe dans l'année 72-73 sur plus de 10 assassinats sur une année. Golda Meir est décédée depuis un an. Nul ne sait si Golda Meir a fait la demande expresse à Menahem Begin de poursuivre la vengeance de Munich. Pour le représentant de la CIA, la réponse semble évidente. Chuck Cogan, de la CIA. La question de savoir si chaque premier ministre israélien successif a validé les cibles qui ont commis des actes terroristes, que ce soit à Munich ou ailleurs, ne me laisse presque aucun doute. Ceci a été une continuité dans la politique israélienne, que ce soit quand le Likoud était au pouvoir ou quand les travaillistes l'étaient. Je pense que ces cibles ont été revalidées si ces opérations ont réellement été menées par les Israéliens. Mais alors la question que l'on peut poser sur les assassinats précédents, est-ce qu'ils ont été revendiqués ou reconnus comme tels par Israël ou bien Israël n'a jamais revendiqué officiellement ces assassinats ? Non, Israël de toute façon n'a jamais revendiqué officiellement ces assassinats. Il y a une histoire qui est intéressante là-dedans. L'assassinat et la bavure de 1973 à Lillehammer, Israël n'a jamais reconnu son implication là-dedans. Et en 1996, puisque cette histoire s'est finie en 1996, une demande de réparation par la famille de Monsieur Bouchiki, donc le serveur qui a été assassiné, a été faite. Il y a eu un avocat pour l'État d'Israël qui s'est rendu à Oslo pour négocier une forme de réparation, mais dans la réparation financière qu'il y a pu y avoir de cet assassinat, il a été prévu aussi que n'apparaisse pas l'implication d'Israël dans les faits qui lui étaient reprochés. Donc Israël a accepté de réparer financièrement, mais n'a pas reconnu l'acte. Une braguette fait drôlement parler d'elle. Sticky Fingers, un nouvel album des Stones, avec ce titre « You Gotta Move », du blues, du blues, du blues. You gotta move, you gotta move, you gotta move, child, you gotta move, oh, when the Lord. Cette semaine, consacrée aux attentats de Munich, s'achève avec la rencontre d'Emmanuel François, auteur de la liste Golda. Une enquête sur l'activité des services secrets israéliens au lendemain de la tragédie des Jeux Olympiques de 1972. Retour pour un dernier échange avec Emmanuel François. Je pense qu'il était important de rappeler quelle était la nature de la cause palestinienne à l'époque, comment Israéliens et Palestiniens à l'époque refusaient en fait totalement l'existence de l'autre. Il faut rappeler que les Palestiniens refusaient l'existence d'Israël à l'époque, mais que dans le même temps, Israël refusait l'idée de tout nationalisme palestinien. Oui. Parce que qui dit nationalisme dit nation, dit terre, tout un ensemble de choses. Il faut rappeler que jusqu'en 1985 ou 86, il était interdit à tout Israélien de rencontrer un Palestinien sous peine d'un procès et d'un risque d'emprisonnement. Donc ce qui était intéressant aussi de montrer au travers de ce documentaire, puisque je pense que de ne parler que d'assassinat n'était pas une fin en soi, mais c'est de montrer qu'il y a eu une maturation dans ce conflit, et que de cette période du terrorisme, de la terreur et du terrorisme d'État, on est passé quand même à, avec les années, à une reconnaissance mutuelle, et même si tout ça s'est fait dans le sang, on est en 20 ans passé de Munich aux accords d'Oslo. Accord d'Oslo aujourd'hui moribond, et c'est fort regrettable, mais je pense que le chemin qui a été parcouru entre 1972 et 1992 est immense, et que c'est un des points qu'il faut garder en mémoire là-dedans, et je reste persuadé, je sais que certaines personnes ont réagi à cette phrase que j'ai eue dans la conclusion, de dire que la paix est inévitable. La paix n'est pas souhaitable, la paix est inévitable. Et ça, c'est, je pense, le message le plus fort et celui auquel je me tiens pour conclure ce film. Amal Moulkous, chanteuse palestinienne née en Galilée. Elle interprète des poètes et des classiques palestiniens. Elle se fait accompagner de musiciens juifs et arabes. Elle chante « Houloum », chant d'espoir et de paix. Histoire vivante, une émission proposée par Jean Leclerc en collaboration avec l'unité documentaire TV et les archives de la RTS.